Je m'appelle Élise Costa et je suis chroniqueuse judiciaire pour Slate et Arte Radio. On me demande souvent « Comment fais-tu pour dormir la nuit ?» Alors j'ai relu mes carnets d'audience, j'ai fouillé dans mes notes personnelles et j'ai convoqué mes souvenirs pour écrire « Les nuits que l'on choisit ». J'espère qu'en refermant ce livre, vous en saurez plus sur l'humanité et l'inhumanité en chacun de nous. Découvrez « Les nuits que l'on choisit », un livre d'Élise Costa aux éditions Marchiali. France Inter. Affaires sensibles, la fiction. Aujourd'hui, épisode 2, les survivalistes. Et épisode 3, face aux éveillés. Fabrice Drouel. Affaires sensibles. Sur France Inter. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Coordination Christophe Barrère. Réalisation Cédric Ossir. Deuxième épisode. Les survivalistes. Gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges. Mercredi 14 avril 2021, 4h15 du matin. 15 heures après l'enlèvement. C'est incroyable, ce truc. J'arrive pas à croire que le témoin ait eu le réflexe de filmer. Mais c'est vrai qu'on se demande ce qu'ils font là, sur ce parking en bordure de forêt. On sent la nervosité. Plusieurs avis sur fume. Lila, la maman de Nia, elle aussi est très nerveuse. Il y a 5 hommes avec elle. Est-ce qu'elle est là par choix? Est-ce qu'ils l'ont forcée? Il est 11h du matin, à quelques kilomètres de la maison de la grand-mère, quelques minutes avant l'enlèvement. Ils se séparent. Lila reste avec 2 hommes, pendant que les 3 autres montent dans le van gris qui va servir à enlever la petite Mia. Une équipe est en route pour faire la relevée sur le parking. Vous avez avancé? Oui, on a réussi à relever la plaque de la fourgonnette blanche. Le van gris et la berline, ça fait 3 véhicules. Mmh. J'ai fait des captures d'écran des 5 ravisseurs. Les visages sont un peu flous, mais c'est mieux que les portraits robots. Et on pourra faire un tapissage pour les témoins. Le témoin du parking n'a rien vu d'autre? Non, il est reparti juste après le départ du van gris. L'analyse des images de caméras de vidéosurveillance de la gare d'Épinal nous a permis de voir qu'elle était seule quand elle a pris le train pour rejoindre les ravisseurs. Mais ça ne nous dit toujours pas si elle les a rejoints de son plein gré ou sous la contrainte. Est-elle une victime? Ou bien complice? Je suis allée vérifier que le monde n'avait vraiment rien à offrir. Je l'ai parcouru de long en large. J'ai plongé dans ses méandres et escaladé ses sommets. Et rien. Je n'ai rien trouvé qui vaille les coups d'être gardé. Cela fait des heures que je parcours les posts de Lila sur les groupes Facebook, à la recherche d'une piste parmi les personnes qui lui ont répondu. Je ne retrouve aucun des visages des ravisseurs de Mia. Mais derrière les messages de soutien à une mère qui veut retrouver sa fille, derrière l'indignation et la colère, je vois surtout le désespoir. Je me suis retrouvée à la limite de ce monde de ténèbres, les talons habitant encore ce que j'avais cru être un lieu sûr, tout ce que j'avais toujours connu, tout ce dont on m'avait toujours parlé. Les orteils déjà au-dessus d'un vide vertigineux, prêt à faire le pas. Et cet hiver, j'ai sauté. Bonjour, je m'appelle Lila, j'ai 27 ans. Je suis un être humain de cette belle planète, notre maison à tous. Je comprends petit à petit depuis 2 ans que je m'éveille que c'est pas moi qui ai un problème. J'ai compris que c'est bien la société et ce système qui tourne à l'envers. Hein, on vit très fort en ce moment avec leur faux Covid, leur vaccin. Ils nous mettent la pression. Et je vis une situation pas très confortable encore en plus et... J'aurais besoin de vos conseils. J'ai pas envie de m'étaler, mais ça concerne ma fille. Ma fille unique m'a été retirée et je peux presque plus la voir. Les juges ont pour consigne de signaler les gens complotistes, hein, comme nous, qui sommes contre le vaccin. Et ils ont bloqué mes visites. Donc ma question, c'est simple, c'est... Est-ce qu'il y a encore des avocats réveillés, hein, et intègres, qui seraient prêts à nous aider? D'avance, merci. Voilà. Un message d'appel à l'aide, sur plusieurs groupes Facebook. J'ai retrouvé sa vidéo à plusieurs endroits. J'ai relevé les personnes qui ont répondu. Ça fait pas mal de suspects à vérifier. Mais il se peut qu'elle ait trouvé des gens pour enlever sa fille sur ce type de site. Son activité sur les réseaux a été très forte. Elle devait passer plusieurs heures par jour sur ces groupes. Ça peut suffire pour nouer des liens forts. Merci, Michael. Oui, merci. Je vois que vous n'avez pas chômé cette nuit. Il va vous falloir plus de moyens pour éplucher tout ça. On va solliciter les services spécialisés. Merci, oui, parce que c'est rechercher une aiguille dans une botte de foin. Il y a des milliers de personnes sur ces groupes Facebook, avec pas mal de profils assez préoccupants. En tout cas, les auditions du personnel Stémo, le dossier ASE et le casier judiciaire de la mère indiquent la même chose. Lila n'est pas seulement une victime, elle agit. Elle est visée par plusieurs plaintes pour des faits de dégradation légère et insulte. Elle est connue pour sa marginalité et son attitude antisociale. Elle a aussi été auditionnée pour des faits de violence sur la voie publique ainsi que de violence sur conjoint, à l'égard de son compagnon, qu'elle a notamment poursuivi avec un couteau devant Mia. La demande de placement ne paraît pas abusive. Aucun doute là-dessus. On a aussi reçu les pièces saisies lors de la perquisition dans son appartement. Elle nous a laissé une lettre. Je vous écris pour vous dire qu'après avoir été harcelée, séparée de ma fille illégitimement, maintenant j'agis. Je suis victime du placement abusif de ma fille. Ma fille devait être placée chez ma mère pour 6 mois. Et maintenant, on ne m'autorise plus à la voir que dans un lieu surveillé 2 fois par mois. C'est incompréhensible car je vais mieux et peux totalement m'occuper d'elle. Le juge ne veut rien entendre. Êtes-vous pour le mal ou pour le bien? Chacun est responsable de ses actes. C'est pas parce qu'on vous donne des ordres qu'il faut les appliquer. La loi devrait nous protéger, pas nous écraser. Que la vérité et la justice soient rétablies. Ça ressemble à un aveu. Mais sûrement, sûrement. Mais pour l'instant, on ne sait toujours pas quelles étaient les motivations des ravisseurs. L'argent? Elle en a pas. Mais c'est tout ce que vous avez? La vidéo du parking est en cours d'exploitation pour les visages et les véhicules. On a envoyé une équipe sur place qui a retrouvé plusieurs mégots et un masque Covid qui sont partis en analyse. C'est bien, mais les analyses vont prendre du temps. On a aussi retrouvé une chaussette de petite fille et une petite peluche. Qui appartiennent à Mia? C'est en cours de vérification. Après accord de Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Nancy, j'ai décidé de déclencher le plan alerte enlèvement. Un message d'alerte a été diffusé hier à partir de 21h pour permettre de faire avancer efficacement les investigations et de sensibiliser la population. Capitaine, venez voir. J'ai du nouveau sur les plaques d'immatriculation. Alors, j'ai d'abord rentré celle du transporteur Volkswagen, et comme on pouvait s'en douter, ça pointe vers rien du tout. C'est une fausse plaque. Par contre, les deux autres, je les ai rentrées dans le fichier. Et ce matin, le service vient de me communiquer les adresses avec les noms des propriétaires. C'est bon, ça? Ouais. Les véhicules déclarés correspondent à ceux de la vidéo. Les plaques ont l'air d'être vraies. Ils n'avaient peut-être pas prévu de doublette pour les plaques de leur véhicule de soutien. Ils pensaient que seul le van gris allait être exposé. C'est une boulette. Mais ça nous sert bien. Et qui sont les propriétaires? Alors, la fourgonnette blanche est déclarée à Paris. Mmh. Et l'autre... L'autre, c'est plus compliqué. C'est une voiture de fonction appartenant à une société luxembourgeoise. C'est déjà ça. On est sûrement sur des véhicules volés. Il faut pas se faire de fausses joies. Vous avez sûrement raison. On va quand même lancer vos collègues parisiens pour un repérage à l'adresse de la fourgonnette. Pour la voiture de fonction, je vais lancer une demande de coopération avec le Luxembourg. Et je crois que ce sera tout pour moi. Il va falloir qualifier les faits. On est de toute évidence sur une préméditation et un enlèvement en bande organisée. Cette affaire devient trop importante pour le tribunal d'Épinal. On va se dessaisir pour passer le relais à Nancy. Ça paraît raisonnable. Quant à vous et vos hommes, capitaine, il va falloir vous reposer un peu. Oui, vous avez raison. Nous avons quelques lits vides à la caserne pour vous et vos collègues de la section de recherche. Merci. On espère tous un dénouement heureux et rapide. Mais la réalité, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il va falloir préserver vos forces. Nous, on a la chance d'être sur place à la caserne. Le lit à 100 mètres du boulot. La plupart du temps, c'est plus gênant qu'autre chose. Mais dans un cas comme celui-ci, c'est pratique. Je sais pas si je vais arriver à dormir. Il va falloir. Tu vas pas tenir sinon. C'est-à-dire qu'on a que 4 heures. Si tu veux, je te fais un truc pour dormir. Ma femme a des cachetons. Non, non, ça ira. J'ai peur de pas me réveiller. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. Déjà que je rumine quand je suis en enquête. Mais là, je pourrais pas dormir. Avec cette peur que le chien de l'équipe cynophile ne retrouve la petite dans un sac. Vous n'avez pas dû beaucoup dormir. Reprenez du café. Merci, j'ai pu me reposer ce matin. J'aimerais que vous regardiez ces photos et que vous me disiez si vous reconnaissez quelqu'un. Celui-là, la numéro 7. Mmh. Et celui-là, la numéro 12. C'est eux, je les reconnais. J'en suis sûre. D'accord. Alors ça y est, vous les avez retrouvés ? Vous savez où est Mia ? Pas encore, madame. Est-ce que ce sont des pédophiles ? Je peux rien vous dire. Je suis désolé. Excusez-moi. Allô ? Faut que tu rentres au plus vite, il y a du nouveau. Gendarmerie de Saint-Dié-des-Vosges, mercredi 14 avril 2021, 18h. Voilà 3 des ravisseurs identifiés. Donc celui-ci c'est Pichoun, là c'est Jeannot et là Corbeau. Tous les 3 habitent en région parisienne. Les visages matchent avec 3 des gars de la vidéo. Le Pichoun là, c'est l'un des 2 qui est venu chez la grand-mère. J'en viens, elle l'a reconnu formellement sur la vidéo. Pichoun est aussi le propriétaire de la fourgonnette blanche. Excusez-moi capitaine, mais ça vient d'où tout ça ? Ça nous a été transmis par le parquet antiterroriste parisien. L'antiterro ? Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils faisaient tous les 3 l'objet d'une enquête préliminaire par la DGSI. On n'en sait pas beaucoup plus. Ils vont nous envoyer des dossiers plus complets sur chacun des 3 suspects dans les heures qui viennent. Ils sont dangereux ? C'est trop tôt pour le dire. Mais si la DGSI a mis une surveillance, c'est qu'ils peuvent l'être. Oui. Comment la DGSI a su qu'on travaillait sur ces gars ? Les policiers de la DGSI ont reçu une alerte quand nous avons fait la recherche sur le fichier national des plaques de véhicules. Donc la DGSI savait qu'ils préparaient un truc ? Non, non, non, je ne pense pas. Ils avaient répertorié le véhicule de Pichoun. Ok, le voici qui sort de chez lui dimanche dernier au moment de partir vers les Vosges. Là, il est avec Corbeau. Et là, il se rejoint une porte de Bagnolet avec Jeannot, qui conduit le van gris. La DGSI ne savait rien. Pourtant, ils ont suivi le van jusqu'au départ de Paris. Écoutez, on ne sait pas. Hein ? On verra bien les PV quand ils nous les fourniront. Ils sont donc partis dimanche, 2 jours avant le rapt. Pourquoi si tôt ? Et ils sont peut-être passés par le Luxembourg pour récupérer l'autre véhicule et les 2 complices restants. En tout cas, la DGSI identifie Pichoun comme le leader. C'est un musicien. Corbeau est un jeune déscolarisé, il suit Pichoun. Jeannot, lui, est un retraité totalement inconnu des services, des profils de gilets jaunes radicalisés. D'après la DGSI, il gravite dans des sphères complotistes d'ultra-droite et survivalistes. On ne sait pas dans quel état psychologique il se trouve, ni leur degré de dangerosité. Il faut frapper vite. Vous les avez logés ? Oui, on a des équipes de surveillance aux adresses des 3 suspects. Ils sont a priori à leur domicile, alors je vous parle. Pour information, nous avons levé l'alerte enlèvement. Ces pistes sont suffisamment solides, on va avancer là-dessus discrètement. Karim, vous avez du nouveau concernant le 3e véhicule ? Oui. On a eu le renseignement des collègues luxembourgeois. Alors, il s'agit d'une voiture de fonction d'une grosse entreprise du BTP, mais la voiture est affectée à leur filiale française, en Alsace. On a un nom ? Non, non, non, pas encore. On attend les résultats de la perquisition en cours dans les locaux du Luxembourg. Alors, il va falloir attendre, mais on sait que la voiture reste sur le site alsacien en temps normal. Donc la piste reste en France. Et il n'y a pas eu de déclaration de vol à ce stade, c'est tout ce qu'on sait. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes d'accord, monsieur le procureur, mais je pense qu'il faut taper rapidement, là. C'est sûr. Sur les 5 personnes impliquées dans le commando, on devrait pouvoir en interpeller 3 rapidement et au moins un 4e en remontant la piste de la voiture en Alsace. Il faut y aller. En simultané, si possible. Ok, on peut taper les trois à Paris dans la nuit, et puis demain matin, en Alsace, à l'ouverture. Ça me paraît bien. Je vais faire le nécessaire pour l'administratif. Sinon, monsieur le procureur, ils n'ont pas d'armes connues, mais on part bien avec le GIGN, on est d'accord? Oui. Il faut prendre aucun risque. Mon capitaine, j'ai une alerte sur la voiture luxembourgeoise. Ah. Allez-y, dites-nous. Alors, la voiture a été contrôlée hier lors d'une patrouille. Deux véhicules garés en bordure de forêt à la frontière suisse. Les plaques correspondent aux véhicules luxembourgeois et à la fourgonnette de Pichoun. Le rapport indique qu'un homme attendait dans la fourgonnette. Il avait une attestation de son employeur de BTP pour un repérage. C'est bien eux. Je veux son nom et son adresse personnelle au plus vite. Bien reçu. Il était seul ? Affirmatif. Il gardait les voitures pendant que les autres passaient la frontière à pied. Pour éviter les contrôles. Et ça a fonctionné ? On s'est planté. C'est pas avec le Luxembourg qu'il faut faire une demande d'entraide. C'est avec la Suisse. Ouais. Elle s'appelle Mia, elle a 8 ans, elle a été enlevée hier et nous sommes ce soir toujours sans nouvelles de cette petite fille. En revanche, on en sait davantage sur les conditions de son enlèvement, sur sa mère, sur son entourage. Le procureur de la République de Nancy s'est exprimé en direct sur BFM TV à la mi-journée en Gilouata et il a dévoilé de très nombreux éléments. Il a notamment évoqué la personnalité complexe de la maman. Oui, absolument, le procureur de la République. Allô ? Monsieur Gomis ? Oui, bonsoir madame. Je ne dérange pas ? Non. C'est gentil à vous de m'avoir donné votre numéro personnel. Je suis désolée de vous embêter avec ça, mais j'ai vu que vous aviez arrêté l'alerte enlèvement. Ne vous inquiétez pas pour ça madame, c'est normal. L'enquête avance bien, c'est pour ça qu'on a arrêté. Ah d'accord. Puisque je vous ai au téléphone, j'ai une question. Vous savez si votre fille a des contacts en Suisse ? Lila, du contact en Suisse. Oh, ça m'étonnerait. Non, je suis sûre qu'elle ne connaît personne. On est des gens simples, vous savez, on ne voyage pas beaucoup. Pourquoi ? Elles sont là-bas ? Elles sont en Suisse ? Je peux pas vous en dire plus. Mais vous pouvez pas me laisser sans m'en dire plus. Où sont-elles ? Est-ce qu'elles sont libres de leur mouvement ? Je peux pas vous en dire plus, je suis désolé. Mais l'enquête avance vite. Il n'y a pas de mauvaises nouvelles. Mais je peux vraiment pas vous en dire plus. Désolé. D'accord, je comprends. Essayez de vous reposer. Ça avance vite. Vous aurez des nouvelles bientôt. D'accord. Merci, bonne nuit. Bonsoir, madame. Mais dors, neneu. On doit se lever tôt. Arrête de taper. Toute la brigade va t'entendre. Il y a Samira qui se demande ce que je fous. Bon, allez, couche-toi. Demain, direction Nancy. C'est quand même une affaire de dingue. Toi, t'es encore en train de regarder les réseaux sociaux de Lila ? Tu fais une fixette ? Non, je suis sur les profils des mecs. C'est quand même bizarre que la DGS, ils les suivent, ils les aient pas interceptés. T'es surpris ? Moi, je suis pas surpris pour peu qu'il était 19h quand Pitune et ses gars sont partis. Les mecs ont plié les goules et sont rentrés chez eux. L'heure, c'est l'heure dans la police. Ouais, je sais pas. Eh, tu surestimes les pouvoirs de nos services de renseignement. Les gars ont juste pas calculé ce qui se passait, c'est tout. Je trouve ça bizarre. C'est comme le témoin qui, comme par hasard, a filmé toutes les plaques. Ça, c'est vrai. C'est dingue. Et la DGSI nous balance un dossier tout prêt sur les ravisseurs. On a presque l'impression qu'on a tendu un piège à ces mecs. On nous trace leur parcours. Oula, mais ce serait qui, là ? On, là ? Nous, la DGSI, je crois qu'il est grand temps que tu dormes, toi. Hein, ouais, t'as sûrement raison. Tu connais le grand renversement ? De quoi ? Je vois que les ravisseurs suivent un groupe qui s'appelle le grand renversement. Et Lila, la mère de Mia, a échangé avec des gens de ce groupe. Tu connais ? Non, je connais pas, non. Et je suis pas sur les réseaux sociaux, moi. T'as pas tort, ça brille la tête, ces trucs. Le grand renversement. C'est du lourd en tout cas. Je vais aller droit au but. Je vous propose une vidéo qui vous propose d'entrer en résistance active et non pas seulement sur du combat virtuel et non plus sur de l'information, de la propagande ou de l'échange d'informations que j'appelle le constat. Je vous ai fait un document qui vous permet de comprendre comment les choses peuvent s'articuler. On ne va plus perdre de temps maintenant. On va essayer de sauver la situation. en entrant réellement dans cette résistance qui sera physique, réelle, organisée, clandestine, mais parfaitement organisée et planifiée. Résistance physique, clandestine et organisée. Ça fait penser à ces forcenés survivalistes qui se sont multipliés ces derniers mois. Plusieurs se sont retranchés et ont assassiné des innocents dans leur folie meurtrière. Je pense aux collègues du GIGN qui ce soir vont débarquer chez ces déséquilibrés. J'espère qu'il n'y aura pas de bain de sang. Avec possiblement Mia au milieu de tout ça. Et sa mère qui les a mises dans cette situation. Putain, j'espère que le sang ne va pas couler ce soir. Paris, appartement de Jeannot, mercredi 14 avril 2021, 23h50. Allez, on y va. Gendarmerie ! Gendarmerie ! Gendarmerie ! Gendarmerie ! Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Ah, y a des sacs partout. Attention où vous marchez. Restez en file. Au sol ! Main sur la tête ! Au sol ! Main sur la tête ! Je vais y arriver ! Qu'est-ce que... Très bien, lui, objectif neutralisé. Qu'est-ce que c'est que tous ces sacs ? C'est à moi, c'est mes affaires, c'est mes trucs. Y'a rien de dangereux ? Tu gardes des armes ? Eh oh ! Réponds ! On se marrait pour la perquisition. Y'a je sais pas combien de sacs ici. Des centaines, on dirait. Bon, vous filmez l'appartement, il faut que les autres voient le bordel. Ça va, monsieur ? Il respire. Mais faites venir les pompiers pour l'examiner. Il a pas l'air bien. Bon, la garde à vue démarre, et on a 4 heures de route pour l'amener à Nancy. Bien, mon lieutenant. Mon lieutenant, regardez, j'ai trouvé ces billets. J'ai pas compté, mais il y en a beaucoup. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Il y en a pour plusieurs milliers d'euros, là. Eh, c'est quoi tout cet argent ? Oh, tu fais du trafic ? Oh ! C'est quoi ce fric ? Réponds ! France Inter. Affaires sensibles. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Coordination Christophe Barrère. Réalisation Cédric Ossir. Troisième épisode. Face aux éveillés. Le Covid qui tue chaque jour dans notre pays, des bilans qu'on égrène, des visages qu'on ne connaît pas ou qu'on oublie. 100 000 morts franchis aujourd'hui, nous n'en oublierons aucun, assure le chef de l'État sur son compte Twitter. Emmanuel Macron qui a consulté toute la soirée avec ses ministres, avec des maires sur le calendrier de sortie de la crise sanitaire avec le 15 mai comme horizon pour les terrasses, la culture... Il n'y a personne ce matin sur la N59 en direction de Nancy. À 7h, il devrait y avoir des bouchons. Mais il n'y a personne. J'ai l'impression d'être dans un épisode de la quatrième dimension. C'est comme dans un rêve. Avec la fatigue, j'ai l'impression que tout ça n'est pas réel. Le capitaine Joyant a demandé à ce qu'on continue l'enquête, Karim et moi, en tant que premiers intervenants sur les lieux. On file à la section de recherche. À cette heure-ci... Les trois suspects doivent déjà être dans les murs. Dans l'enlèvement de la jeune Mia, l'enquête avance. L'enfant est toujours recherché. Mais trois hommes, Hugo Pufnet, ont été interpellés. Le procureur de la République d'Épinal doit s'exprimer peu avant midi, aux alentours de 11h30, dans une conférence de presse ici même au tribunal, pour donner des détails, des éléments sur ces interpellations. Trois personnes ont donc été arrêtées et placées en garde à vue. Elles sont soupçonnées de soustraction de mineurs de moins de 15 ans en bande organisée. Autrement dit, un enlèvement d'enfants. Elles ont été interpellées hier en région parisienne, en Île-de-France, avant d'être transférées à Nancy, en Lorraine, car ce sont en fait les gendarmes de Nancy, de la section de recherche de Nancy, qui dirigent l'enquête. Ces gendarmes ont donc deux questions principales. La première, à quel point ces trois personnes ont-elles participé au rapt, à l'enlèvement de la fillette ? Et la deuxième, peut-être la plus importante, ces trois personnes ont-elles des informations précises sur l'endroit où se trouverait Mia, 8 ans, et sa mère, 28 ans, toujours introuvable à l'heure actuelle. Section de recherche de Nancy, jeudi 15 avril 2021, 8h. Ah, voilà. Bonjour, capitaine. Capitaine. Bon, les suspects sont là. Les interpellations se sont bien passées hier soir. On a saisi pas mal de matériel électronique et quelques pièces intéressantes, vous allez voir. Ah, bonjour, capitaine. Bonjour, messieurs. Je suis le colonel Grisac, commandant de l'ASR. Non... Pardon, pas de poignée de main. Je n'ai toujours pas pris l'habitude. Bonjour, mon colonel. Voici l'adjutant-chef Gomis et l'adjutant Raoui qui intègre la cellule d'enquête. Respect, mon colonel. Mon colonel. À propos des règles, nous respecterons le protocole avec du gel et l'aération périodique des salles. Je serai personnellement votre directeur opérationnel sur l'enquête, donc pour tous vos besoins en ressources, venez à moi. Bien reçu, mon colonel. Vous avez vu la presse dehors? On ne peut pas les louper, ils campent devant. Bien, ça, c'est un rappel que tout le monde attend que l'on obtienne des résultats rapides. Je compte sur vous. On va s'y employer. On va tout de suite commencer les auditions avec l'adjudant-chef Gomis. Il va m'épauler, il connaît la famille. Parfait, je compte sur vous. Capitaine, je ne connais pas vraiment la famille. Je sais, j'ai dit ça pour rassurer le colonel. Si l'affaire tourne au fiasco, il va perdre sa promotion. Il doit prendre un commandement sur Paris dans 6 mois. Moi, je ne vous ai pas choisi, c'est la doctrine. On doit intégrer les premiers à marcher dans les cellules d'enquête. Vous serez peut-être utile, on verra. Bon, j'essaierai au moins de ne pas trop déranger. Désolé, Michael, si je ne mets pas les formes, mais je garde ma diplomatie pour les loustiques qui nous attendent. Bon, venez avec moi, on commence par Jeannot. Je veux d'abord voir s'il joue la comédie, il a passé la nuit prostré dans sa cellule. C'est le retraité. Il a fait un malaise ? Non, il a des problèmes, si. Les collègues ont trouvé son appartement dans un état hallucinant, des montagnes de sacs plastiques partout, de la crasse partout, et au milieu de tout ça, ils ont trouvé 30 000 euros en liquide. C'est fou. Il deal ou c'est le trésorier de l'organisation ? Non, c'est son argent, il touche une très bonne retraite. Bon, il faut que vous voyez les photos, l'appartement, c'est fou de vivre comme ça. On a fait intervenir le médecin au début de la garde à vue. Il semblerait qu'il ait le syndrome de Diogène. C'est une maladie psy. Jeannot fait les poubelles, il accumule tout et ne se lave pas. Là, il est en catatonie. Il ne parle pas et le médecin nous dit que ce n'est pas simulé. Il est en état de faire l'audition ? A priori, oui, capitaine. Les pompiers l'ont déclaré apte. Il refuse de parler jusqu'à présent, mais rien n'empêche physiquement. Merci, vous pouvez nous laisser. Bien, capitaine. Monsieur, je suis le capitaine Joyant de la section de recherche de Nancy. Vous savez pourquoi vous êtes ici ? Monsieur ? Jeannot, il faudrait que vous nous parliez. C'est Jeannot, votre petit nom, c'est ça ? Je suis pas idiot, vous savez. Ah non ? Bien sûr. J'aime pas qu'on me parle comme un demeuré. Oui, et c'est normal, ce n'était pas mon intention. Je préfère qu'on se parle franchement. Comment vous sentez-vous ? Pas bien. On vous a proposé de quoi manger ? Oui, mais j'en veux pas. Pourquoi vous refusez ? Parce que je peux pas, j'y arrive pas. Quand j'étais enfant, je faisais l'anorexie. Ça n'allait pas tout à l'heure ? J'étais pas bien. Des fois, ça m'arrive. Je pouvais pas répondre. Là, ça va mieux ? Un peu. Vous avez des problèmes de santé ? Ouais, j'ai fait des dépressions graves. Je peux plus travailler. Je suis en invalidité. J'ai des troubles psychiatriques. Des fois, je peux plus bouger. C'est pas de la comédie. Vous comprenez la gravité des faits qui vous sont reprochés ? Mais moi, j'ai rien fait. J'ai juste conduit le camion. Et qui vous a demandé de conduire ce camion ? Ben, c'est Pichoun. Je connais pas son vrai nom. Comment vous avez rencontré Pichoun ? Dans une manifestation de Florian Philippot contre la dictature sanitaire. J'y vais à toutes, tous les samedis devant le ministère de la Santé. Corbeau, je le connaissais d'avant. Il venait aussi au rassemblement. On se saluait quand on se voyait. C'est un jeune gars. C'est lui qui m'a présenté Pichoun. Paris, 9 janvier 2021. Manifestation devant le ministère de la Santé. 6 semaines avant l'enlèvement. Macron va surtout le mettre dehors. Macron va surtout le mettre dehors. Et Macron le mettra dehors avec toute sa clique. On fera le Macron exit avant de faire le Brexit. Parce que, mesdames et messieurs, il y a évidemment un autre choix possible depuis le début de cette folie sanitaire, qui est aujourd'hui une folie politique, ne vous y trompez pas. On peut évidemment soigner. Nous savons maintenant qu'il y a des médicaments qui marchent formidablement bien. Hydroxychloroquine, bien sûr. Le Conseil d'État italien vient de réhabiliter l'hydroxychloroquine. Ouais ! Il est bon, Philippot, hein ? Salut, Jeannot. Salut, Corbeau. Je te présente Pitchoun, dont je t'avais déjà parlé. Qui ça ? Je sais pas de quoi tu parles. Ici, tu sais, pour le grand renversement. Ah oui, peut-être, oui. Salut. Je suis le capitaine de région. Corbeau m'a parlé de toi, Jeannot. Il paraît que t'adhères à nos idées. Ah oui, oui, je me rappelle, c'est toi qui m'as donné rendez-vous ici. Voilà, on se connaît, on se voit au manif. Ouais, Corbeau, vous êtes des vrais militants, alors vous aussi. Vous êtes éveillés. Voilà, on peut dire ça. On est de plus en plus nombreux dans notre mouvement. On a des gens partout, dans la police, dans l'armée. Ouais, c'est super. On prépare le grand renversement. T'as sûrement entendu parler, le renversement de Macron. Et on cherche des gens pour aider. On voit que tu es très actif dans les manifs, tu viens à chaque ? Ah, celle des patriotes ? Ouais, je les fais toutes. Ouais. On a les mêmes idées que Philippot, sauf que, contrairement à lui, nous on veut faire des actions concrètes dès maintenant. Tu trouves pas que c'est une bonne idée ? Ah bah si, il faut que ça bouge. Oui, avant qu'il soit trop tard. Écoute, Jeannot, tu vas me donner ton numéro de téléphone. Je vais t'envoyer des vidéos du grand ministre, notre chef. Enfin, je l'appelle comme ça, mais il est pas vraiment ministre, tu comprends ? On cherche des gens prêts à passer à l'action. Tu penses que tu pourras aider ? Ah, pourquoi pas ? Faut voir. Ok, donne-moi ton numéro. On va se revoir. Pitchoun est donc capitaine de l'Île-de-France ? C'est quoi ? C'est un grade ? Bah oui. C'est lui qui s'occupe du mouvement du grand renversement à Paris. Moi, j'ai juste accepté de conduire le camion. Parce qu'on est tous en danger de mort. Pourquoi vous dites que vous êtes en danger de mort ? On est tous en danger. À cause du Covid et du vaccin. Ils veulent réduire la population au niveau mondial. Alors tout ce qui arrive en ce moment, la maladie, c'est pour nous tuer. Mais le vaccin nous tue aussi. Donc j'ai voulu faire quelque chose. J'ai voulu aider, malgré mes problèmes. Mais quel est le rapport entre la Covid et cet enfant placé chez sa grand-mère ? Tout est lié. Le gouvernement nous contrôle. Et ils font beaucoup de mal aux enfants. Quand est-ce que vous avez rejoint l'opération ? Je les ai rejoints pas longtemps avant de le faire. Avec les autres, on se connaît pas vraiment, en fait. On s'est vus aussi une ou deux fois. Quand ? Avant la mission. Je me souviens d'une réunion à peu près 2 semaines avant d'aller faire l'opération. On était dans le garage de Pitchoun et... Bon, j'ai fait la liste, on a tout le matériel. On va mettre des masques chirurgicaux, comme ça, on fait comme tout le monde. On verra pas nos visages. Et puis j'ai des fausses attestations professionnelles si on est contrôlé. Paris, 19e arrondissement. 2 avril 2021. 11 jours avant l'enlèvement. Et les plaques ? On va avoir une fausse plaque pour le transporteur. C'est celui-là qu'on utilisera pour faire l'opération et celui-là que tu conduiras, Jeannot, d'accord ? Bah, comment vous avez récupéré tout ça ? T'inquiète, on est organisé, c'est carré. Bon, c'est OK pour toi pour conduire ? Oui, d'accord, mais c'est pas dangereux votre affaire, là. T'inquiète, on a tout prévu, je te dis. Tu sais, Jeannot, pour nous, cette opération, c'est juste un entraînement, c'est juste un début. On a déjà fait des missions un peu plus dangereuses. Mais comme quoi ? Bah, détruire des antennes 5G, par exemple. Ah, c'est bon, Corbeau. Ça, Jeannot, t'as pas trop à être au courant. Tu peux juste te rassurer sur le fait qu'on sait ce qu'on fait. Allez. Quel était l'objectif de la mission ? Rendre une enfant à sa mère. Le gouvernement avait enlevé une petite fille. On a voulu la rendre. Pour éviter qu'elle finisse comme les autres. Comme les autres ? Bah oui, qu'elle soit violée dans un centre ou vendue à des pédophiles. Mais vous savez ça. Non, on ne sait pas. Jeannot, vous avez conscience que ce que vous avez fait est illégal ? Vous risquez la prison ? Oui, je sais. Bon, maintenant, il faut nous aider à retrouver la petite. Oui, je comprends. Elle est en bonne santé ? Je sais pas. Je ne l'ai pas beaucoup vu, et puis je suis reparti directement après, avec le van gris, sur Paris. Et c'est les autres qui l'ont emmené. Vous savez où il devait aller ? Ça, je ne sais pas du tout. Je ne me suis pas du tout occupé de ça. Ils ont peut-être parlé devant vous. Vous pourriez vous rappeler de quelque chose qui pourrait aider. Prenez votre temps. Non, mais... Non, mais je suis désolé. Je suis facilement dans mon monde, vous savez. J'ai pas du tout participé à ces conversations. On n'en tirera rien de plus. À le voir, difficile d'imaginer qu'il joue la comédie. C'est une petite chose, fragile, de corps et d'esprit. Ça sert à rien de le brusquer. Par contre, je suis impatient de me retrouver face à ce pitchoun. Tout indique que c'est le chef. Vous êtes donc musicien ? Oui, je joue régulièrement dans les plus grands cabarets et salles parisiennes. Je fais du jazz, avec une préférence pour la guitare manouche. Influence Django Reinhardt. Pitchoun, c'est votre nom de scène ? Non, c'est juste un surnom comme ça. Connaissez-vous le mouvement du grand renversement ? Absolument. Je suis capitaine du mouvement en charge de l'Île-de-France. Je suis un dissident. Avec les militants du groupe, nous voulons résister à la barbarie de ce système qui est en train de se mettre en place depuis un an et demi sous prétexte sanitaire. Bon, d'accord. Vous reconnaissez avoir pris part à l'enlèvement de la petite Mia ? Non, ce n'est pas un enlèvement. On a juste rendu une petite fille à sa mère, sans aucune forme de violence. À la Arsène Lupin. Mais vous saviez qu'elle en avait légalement pas la garde ? C'est considéré comme un enlèvement par la loi. Non, je refuse cette classification. C'était un cas de désobéissance civile pour assistance à personne en danger. On a fait ce qu'il fallait faire. Je ne dirai rien de plus. Mais en danger de quoi ? Vous savez très bien. L'exploitation des enfants par l'aide sociale à l'enfance. Il y a de nombreux complices chez les magistrats et les forces de l'ordre. Je ne dirai rien de plus. Pourquoi vous pensez que les gendarmes sont complices ? De quelle exploitation vous parlez ? Quelle était la menace sur la petite Mia ? Je ne dirai rien de plus. Eh ben, Pitchoun a l'air déterminé. J'en ai connu des plus coriaces. Il faut juste attendre. On fait des pauses régulières et on les reprend. Les gardes à vue vont être prolongées, on a un peu de temps. Il faut l'utiliser pour les faire réfléchir. Le temps joue aussi pour nous. On passe à Corbeau alors ? Oui, c'est l'idée. Karim ? Oui ? Vous allez où avec ça, là ? J'ai acheté des chaussettes. C'est pour Jeannot. Des chaussettes ? C'est moi qui lui ai demandé. Jeannot se plaignait d'avoir froid aux pieds. Non, mais on n'est pas des assistantes sociales, hein ? Capitaine, si je puis me permettre, on est un peu quand même. Pardon ? Je disais, on est un peu des assistantes sociales quand même. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de les mettre à l'aise, malgré ce qu'ils ont fait. Ces gars sont des gilets jaunes à la base. Depuis les manifs, ils ont une mauvaise image de nous, les gendarmes. Vaut mieux changer ça, non ? On obtiendra plus de choses. D'accord, mais je vous rappelle que ces gars ont kidnappé une gamine, et qu'on vient de retrouver des ingrédients et des instructions pour fabriquer une bombe artisanale dans leur appartement. Alors, je vous prierai de ne pas trop les bichonner non plus, adjudant-chef. Oui, bien sûr, capitaine. Si vous voulez jouer au good cop, bad cop, démarrez l'entretien avec Corbeau. On verra bien ce que ça va donner. Ça va ? Vous vous êtes remis de l'interpellation ? Ouais, ça a été violent. Je suis désolé. Les collègues du GIGN ne font pas toujours dans la dentelle. Mais vous savez, ils ne s'attendaient pas à tomber sur une famille. Oh bah, fallait se renseigner. Ma petite sœur a été traumatisée. On a agi en urgence. Vous ne nous avez pas laissé le choix. Vous vous êtes mis dans une situation compliquée. Vous le comprenez, ça ? Oui. Vous connaissez un dénommé Corbeau ? Oui, c'est moi. Connaissez-vous un individu surnommé Pitchoun ? Oui. Connaissez-vous un individu surnommé Jeannot ? Oui. Vous avez été identifié en compagnie de Jeannot et Pitchoun sur un parking près des Poulières avec la mère d'une petite fille qui ensuite a été enlevée, quelques minutes plus tard. Avez-vous un lien avec la disparition de cette petite fille ? Oui. Vous pouvez nous dire comment vous vous êtes retrouvé impliqué dans cet enlèvement ? Le mot enlèvement me gêne. On n'a pas mis la petite dans un coffre de voiture. On peut parler de soustraction d'enfant à la personne chargée de sa garde, si vous préférez. Oui, c'est mieux. Vous pouvez nous dire comment vous vous êtes retrouvé impliqué dans cette opération ? Vous pensiez que la petite fille était en danger chez sa grand-mère ? Non, je crois pas. J'ai pas l'impression. Alors comment vous vous êtes retrouvé à participer à cette opération ? Bah, Ça a commencé il y a quelques mois, quand j'ai rejoint le groupe du Grand Renversement, après avoir vu des vidéos sur Internet. Mais quel est le rapport avec Mia et sa mère ? Le groupe a décidé de mettre en place différentes sortes d'opérations pour s'aguerrir. Et enlever Mia faisait partie de ces opérations ? Libérer des enfants placés abusivement, oui. Comment expliquez-vous qu'on ait retrouvé chez vous des composants à forte teneur en potassium, qui sont typiques de la fabrication de bombes artisanales ? C'était pour faire sauter des antennes 5G. Mais on n'a jamais réussi à faire la bombe. Vous en preniez aussi à des antennes 5G ? Au départ, on est contre la 5G. Hein. C'est vrai qu'on croyait que le vaccin contenait des puces 5G qui pourraient nous contrôler. Vous croyez plus vraiment ça ? Je suis pas sûr. Je pense que le vaccin est nocif, mais pas forcément que ce soit lié avec la 5G, finalement. En tout cas, les ondes 5G, c'est pas bon du tout, hein, c'est prouvé. Alors c'est vrai qu'avec Pichun, on s'est entraîné une ou deux fois à des opérations commando sur des antennes 5G. On a fait des conneries, mais c'était pas pour blesser personne, c'est pour protéger les gens. Vous avez reçu un entraînement particulier pour ces opérations ? Un peu. Il y a un lieutenant-colonel qui nous a donné des conseils. Un vrai lieutenant-colonel ? Oui, en retraite. Il y a beaucoup de militaires dans le mouvement. Et pour la petite Mia, qui a décidé de l'opération ? C'est Rémi Daillet, avec Bouga, son bras droit. Rémi Daillet, c'est le chef du mouvement ? Oui. Et Bouga est un pseudo, j'imagine ? Oui, désolé, on fonctionne qu'avec des pseudos. Mais je peux vous retrouver son contact dans mon disque dur, si vous voulez. Oui, on va regarder ça. C'est Bouga qui nous a présenté Lila, et on a été d'accord pour l'aider. Vous vous êtes rencontrés ? Avec Bouga ? Non, je crois pas. Il est dans l'Est. Quant à la fille et la maman, on les a rencontrés le jour de l'opération. C'est Bouga qui conduisait la voiture, immatriculée au Luxembourg ? Ah non, ça c'est Eric. Eric ? Et son nom de famille ? Je sais pas non plus, je vous disais... Mais vous êtes combien en tout dans l'opération ? Oula, ça dépend. Il y a David, Crin Blanc, et puis tous ceux qui savent et qui ont donné de l'argent au pot commun. C'est quoi ce pot commun ? C'est Rémi Daillet qui a récolté des fonds pour financer nos opérations. Vous êtes combien en tout dans le mouvement ? Daillet nous dit 50 000, mais je suis pas sûr, je lui fais plus confiance. Pourquoi vous ne lui faites plus confiance ? C'est à cause de lui qu'on est là. L'opération n'était pas bien organisée. Pourquoi ? C'était pas assez préparé. Va falloir nous dire ce que vous savez maintenant. La petite est en danger. Ouais, c'est sûr. Tout ce que je sais, c'est qu'on a amené Lila et Mia à la frontière suisse. Et on a traversé à travers la forêt, à pied, pour pas être repéré. On a déposé la mère et la fille à Valbourg, un petit village suisse à 2 kilomètres de la frontière. En fait, quelqu'un d'autre s'est chargé de les emmener plus loin. Qui ? Un gars qui s'appelle Roméo. Un grand brun, pareil, j'en sais pas vraiment plus sur lui. Ah si, par contre, il conduisait une Porsche Cayenne, grise ou noire. Une Porsche Cayenne ? Ouais, on s'est dit que c'était un peu chelou quand même. Et il devait les déposer où ? S'il te plaît. Il faut qu'on retrouve la petite. Je sais. Je suis désolé, je me souviens pas bien. Essaye de te rappeler. Donne-nous tous les détails que tu peux. Je pense que c'est un monastère, en fait. Le chef Rémi Daillet avait parlé d'un monastère. Un monastère très traditionnel qui prône le culte de Pidis. Messe en latin, genre traditionnaliste ? Oui, c'est ça. Ok. Merci. Bon, bravo. On va continuer avec méthode. Merci, capitaine. Le procureur a lancé la coopération avec la Suisse. Malheureusement, dans leur système, ouvrir une enquête miroir prendrait trop de temps. En plus, comme vous le savez, chaque canton a une police et il y a la police fédérale au-dessus. Mais on a eu de la chance, on a eu une réponse du procureur de Fribourg qui va tout gérer pour nous. Mais il aura besoin d'une DE à chaque action, une décision d'enquête européenne. Il faudrait remplir une fiche motivée pour la demander. Le procureur suisse a promis qu'il serait réactif. Ah, la tuile ! C'est de la paperasse, mais on a leur soutien. Bon, il va falloir être ultra rigoureux. Karim, vous avez des choses ? Oui. Alors, j'ai fait une liste des lieux religieux pas trop éloignés de la frontière en Suisse. Alors, il n'y en a qu'un seul qui soit de type traditionnaliste. C'est ce monastère, la Révélation Saint-Pidis. Parfait. On va transmettre les coordonnées au procureur pour la Suisse. Karim ? Capitaine ? Dès qu'on a pris contact avec la police suisse, vous partez sur place. Officiellement, en tant qu'observateur, mais on compte sur vous pour mettre de l'huile dans les rouages administratifs. Bien sûr. Bon, il y a de fortes chances que Lila et Mia soient en Suisse. Mais il ne faut négliger aucune autre piste. Il faut éplucher la téléphonie des suspects, leur fadette, et voir si elle nous mène à ce Bouga, cet Eric ou ce Roméo. Mmh. Marc, vous vous mettez dessus ? Oui, capitaine. Normalement, Eric, le conducteur de la voiture de fonction, est déjà au chaud. Il va être transféré demain. Je confirme. Le suspect a été arrêté sur son lieu de travail cet après-midi. Il va nous être transféré dans les heures qui viennent. Si l'on considère que l'opération s'est montée via le groupe, le grand renversement, on peut se dire qu'on est sur un fonctionnement quasi sectaire, avec un leader, des capitaines et pas mal d'adeptes. Corbeau a mentionné des militaires, un lieutenant-colonel, un dénommé Bouga et surtout leur chef, un certain Rémi Daillet. On a placé toutes leurs lignes sur écoute et mis en place une surveillance des domiciles, sauf Rémi Daillet qui apparemment n'est plus sur le sol français. Le chef s'est enfui ? Non, cela fait des mois qu'il est en Malaisie, il dirige tout de là-bas. Le procureur va être ravi. Nous n'avons pas de convention de coopération avec la Malaisie. Bon, je crois qu'on a fait le tour. La garde à vue des trois suspects va être prolongée. On reprendra avec eux et le dénommé Eric qui va les rejoindre. On refait un point demain. Merci à vous. Bon, ben, reste plus qu'à rentrer, faire le sac pour repartir direct, hein. Samira va faire la gueule. Ouais, sûrement un peu. Mais elle comprend la situation. T'as de la chance d'avoir une femme comme ça. Pour une Kabyle, elle est très compréhensive. Elle doit avoir des choses à me cacher. Allô ? Allô, Michael ? Oui. Vous êtes parti ? Oui, on est en route, là. Mon papy. Qu'est-ce qui se passe ? C'est au sujet du monastère en Suisse ? Non. Je vais pas vous en parler au téléphone. La DGSI veut nous parler, ils ouvrent quelqu'un de Paris. DGSI. On aura une réunion demain matin à la première heure. Opération Lima. Une série de Vincent Hazard. Avec Robinson Stévenin, Mounir Margoum, Karine Goron, François Hatt, Étienne Parc, Lorenzo Lefebvre, Malvina Plega, Xavier Robic, Dominique Parent, Françoise Gazio, Bertrand Pazos, Jean-Christophe Quenon, Manika Auxir, Henri David Cohen, Sergueï Filipenko, Frédéric Ruiz, Dominique Bettenfeld et les voix de Marina Moncade et Stéphanie Pasquet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage et mixage, Jason Taous, Titouan Labarre. Assistante à la réalisation, Sophie Pierre. Réalisation, Cédric Ossir. Affaires sensibles, la fiction, c'était les épisodes 2 et 3. Demain mercredi, nous écouterons dans Affaires sensibles deux nouveaux épisodes de la série Opération Lima, les épisodes 4, Sauver la France et les enfants, et épisode 5, Le retour sur Terre.